Chapitre 35e. Comme la veille, Jérémie attendait Marina dans le couloir. Il n'ouvrit pas la bouche de tout le trajet. Il savait que s'il parlait, les mots qu'il lui dirait dépasseraient même jusqu'à ses pensées. Il poussa la porte de la grande maison et de nouveau illumina l'entrée. Après avoir souhaité une bonne nuit à la jeune femme, il se changea et prit ses affaires, se dirigeant vers la salle de bain. Lorsqu'il entra, il sut immédiatement que toutes ses bonnes résolutions se fracassaient en mille morceaux. Marina était là, une simple serviette autour d'elle. Oh, Marina, pourquoi? Pourquoi faut-il que je te retrouve devant moi quand dans ma tête j'ai décidé de... Ce n'est rien, Jérémie, j'ai terminé, je te laisse la place. Elle allait passer devant lui lorsqu'il mit un bras en travers pour l'en empêcher. Tu as parlé avec Jason de... Oui. Et? Il me laisse décider. C'est tout. Serait-il devenu fou? Si tu étais à moi, que ferais-tu, Jérémie, si tu étais Jay? Je partirais loin d'ici avec toi, dans un endroit désert, et je t'aimerais jusqu'à la mort, voilà ce que je ferais. Si tu étais Jay, tu serais sur ce lit à la clinique, et tu ne pourrais même pas bouger le petit doigt. C'est un coup bas, Marina, et bon sang, il est terrible. Je suis désolée, Jérémie, tu veux quelque chose que je ne peux pas te donner. Aussitôt Jason rentré, je vais partir. Je ne peux plus l'assumer, et je finirai par vous faire du mal. Bonne nuit, Marina. Jérémie, il se retourna vers elle et elle put lire tellement de détresse dans son regard. Jérémie, tu oublies ton remerciement. Que veux-tu dire? Nous avons une dette envers toi, je veux la régler, c'est tout. Tu veux vraiment dire que tu acceptes que je t'embrasse? Rien qu'un baiser, Jérémie, comme convenu. Il ne pouvait encore y croire. Elle acceptait. Il savait qu'elle ne l'aimait pas. Mais pour lui, rien qu'un instant, le ciel s'ouvrirait. Il prit la main de la jeune femme et la posa sur son torse nu. Fermant les yeux, il frissonna violemment. Ses yeux la regardaient à présent, plus bleus et profonds que jamais. Il s'approcha enfin à la toucher et se pencha lentement, très lentement vers sa bouche. Lorsque ses lèvres se posèrent finalement sur les siennes, un feu liquide traversa tout son corps et le brûla vif. Il l'enlaça et, la serrant à l'étouffer, fit passer toute sa passion et son amour, ainsi que son désespoir, dans ce simple baiser. À bout de souffle, lorsqu'enfin il releva la tête et que ses yeux prirent au piège ceux de Marina, il lui dit dans un souffle « Je t'aime et je t'aimerai toujours ». Faisant enfin demi-tour et attrapant sa veste au passage, il s'enfuit en claquant violemment la porte d'entrée. 3 mois plus tard, Jason ne faisait, au vu de Marina, aucun progrès notoire. L'échéance qu'il s'était fixée s'approchait dangereusement. La jeune femme était morte de peur. Qu'allait-il se passer si Jason restait dans ce même état? Il ne le supporterait pas. Ce qu'elle ne savait pas, c'était que le jeune homme avait retrouvé l'usage de ses mains et progressivement de ses jambes. Bien sûr, il n'allait pas courir un marathon, mais il tenait debout grâce à des béquilles. Le kinésithérapeute venait tous les jours et encourageait vivement tout progrès, même minime. Jason était resté stoïque, refusant de donner les bonnes nouvelles à Marina. La surprise était pour ce matin-là. Jérémie avait disparu pendant presque un mois et était revenu de voyage en ayant apparemment oublier son amour pour la jeune femme. Lorsqu'il lui ouvrit la porte de l'appartement, elle entendit les rires de Robert et de Mike qui discutaient dans le salon. Le climat était à la bonne humeur. Comme chaque matin, selon le rituel traditionnel, Marina demanda à Jérémie des nouvelles sur l'état de santé de Jason avant d'aller le rejoindre. Ce matin-là, Jérémie, en souriant, lui répondit « Tu n'as qu'à le lui demander toi-même ». S'effaçant, Jérémie désigna son frère derrière lui, adossée au mur. Marina resta coite un court instant. Ses jambes fléchirent et Jérémie la rattrapa juste à temps. « Eh bien, c'est à elle que tu vas devoir donner tes béquilles, » fit-il en riant. « Je rêve. Tu es debout? Tu peux bouger? Oh, darling, je ne suis pas prêt à courir 100 mètres, mais je pourrais peut-être te prendre dans mes bras, par exemple. Je n'en crois pas mes yeux. L'échéance que tu t'étais fixée est dépassée depuis presque une semaine, et j'avais si peur. Honey, tu vas rester à 3 mètres de moi et continuer à dialoguer, répondit-il rieur. J'aimerais te prendre contre moi et t'embrasser. Tu crois que c'est possible? Dis-moi une chose avant. Que veux-tu savoir? Depuis combien de temps déjà peux-tu bouger? Les mains et les bras, disons presque 3 semaines, et les jambes à peine une semaine. Pourquoi, mon âme? Ce qui signifie, si je comprends bien, que tu m'as joué la comédie pendant 3 semaines. On peut dire ça comme ça. Tu es un monstre. Je vais te... Honey, ne le dis pas, fais-le. Marina se précipita vers lui, le cœur battant à tout rompre. Jason l'enlaça et l'embrassa aussitôt. Il lui caressait le dos et les reins en la pressant de toutes ses forces contre son grand corps si dur. Elle laissa échapper un gémissement de bonheur et s'appuya encore davantage contre sa poitrine lorsqu'ils entendirent « Mes enfants, je crois que vous avez visiblement besoin d'un peu d'intimité. » Robert, les yeux rieurs, venait d'exprimer gentiment ce dont ils avaient le plus envie. Jeremy reprit « Je vais t'installer dans ta chambre et ensuite... Enfin, je serai à côté si tu as besoin de moi, ce dont je doute. Laisse, je vais me débrouiller tout seul. Je suis là, moi aussi, répondit Marina, et à deux, je pense que nous pourrons y arriver. Merci, Jérémy. De rien. Ça tombe bien, j'ai du travail qui m'attend. Allez, au revoir tout le monde. Oh, j'oubliais, Jason. Oui, amuse-toi bien. Jason éclata de rire, prit son chausson et le lança sur son frère qui l'esquiva. Tu n'es pas encore prêt, mon frère. Fais attention, je pourrais bien me venger. Essaye donc, Jérémy, tu vas avoir affaire à moi. Oh, la tigresse se fâche. Je tremble de peur. Dépêche-toi de filer, frangin. Ou à mon avis, ce n'est pas ton dos qui sera zébré, mais ton beau visage. Et je pense que ces dames le regretteraient, non? Je me sauve. Tu as entièrement raison, ce serait vraiment dommage, fit Jérémy en se passant une main de chaque côté de ses tempes. Quelle énorme perte cela serait! Fiche le camp, espèce de prétentieux. Ou le chausson, je vais te le faire avaler moi-même, fit Robert à son fils en se tenant les côtes de rire. Marina et Jason se retirèrent dans leur chambre. Jason marchait à pas lents et saccadés, mais il était plutôt fier du résultat. Qu'en penses-tu, mon âme? Tu es un homme formidable, Jay. Je me demande encore comment tu as pu me cacher cela pendant 3 semaines. Cela a été très difficile, mon amour. J'aurais voulu te prendre dans mes bras aussitôt, mais je voulais savoir si mes jambes allaient suivre. Je ne voulais pas te donner de faux espoirs. Tu l'as fait. Tu as réussi tout seul. Ne crois pas ça. J'ai été très entourée. Le kiné d'abord, puis Jérémy ensuite, et enfin mon père et Mike, qui tous les soirs me faisaient travailler quelques heures après ton départ. Puis un matin, enfin. Oui, mais je pense à tous les efforts que tu as dû faire. À toutes les souffrances que tu as dû endurer, à ta volonté farouche de réussir. Tu es d'une trempe peu commune, mon amour. Ce qui m'a le plus aidé, je crois, c'est l'espoir que j'avais de te tenir un jour dans mes bras. Et il se pencha vers elle et prit fougueusement sa bouche. Quelques heures plus tard, assouvis, épuisés, ils reposaient tous deux endormis. Jérémy rentra du travail et frappa à leur porte. N'obtenant aucune réponse, il entr'ouvrit le battant et passa la tête. Lorsqu'il les vit enlacés tendrement, il referma doucement et s'enfuit dans sa chambre. Le tendre sentiment qu'il éprouvait pour Marina ne cicatriserait jamais, et il ne fallait pas tenter le diable. Jason se réveilla et vit que Marina le regardait. Il y a longtemps que tu es réveillée, mon dame? Assez longtemps pour apprécier à sa juste valeur le spectacle que j'ai sous les yeux. Et que trouves-tu d'intéressant à me regarder ainsi? Tu es sublime, Jay, et tu sembles si paisible, si heureux. Voilà le terme exact. Il est vrai que je suis totalement comblé. Pourtant, il faut que je te parle. De quoi, mon amour? Ce n'est pas facile, mais il faut que je te fasse comprendre pourquoi j'ai pris cette décision. Quelle décision? J'avoue que tu me fais peur. Je ne veux plus t'épouser, Marina. La jeune femme resta un instant sans voix, puis demanda « Tu ne m'aimes plus, c'est ça? À présent, c'est toi qui es stupide. Je t'aime plus que ma vie, et c'est justement pour cela que je ne peux plus t'épouser. Attends, là, je ne comprends vraiment plus rien. Nom d'un chien, Jay, explique-moi ton raisonnement. Je ne suis pas sortie d'affaire, Honey. Je dois encore subir plusieurs interventions, et enfin, ce n'est pas certain que je survive. Et alors? Cela changera quoi si nous sommes mariés ou non? Je ne veux pas faire de toi une veuve, c'est tout. Dieu, que tu es compliqué. Nous pouvons faire un contrat de mariage si tu veux, car peut-être est-ce une question d'argent. Là, mon âme, tu vas me fâcher sérieusement. Et justement, parlons-en d'argent. Tu n'as aucune ressource. J'aimerais à ce propos t'ouvrir un compte et... Non. Non. Mais pourquoi? S'il m'arrivait un problème, tu serais à l'abri du besoin. J'ai dit non, Jay. Je ne veux plus jamais en entendre parler, ni que tu insistes, est-ce clair? Nous verrons cela plus tard quand... Non, c'est tout vu. Et plus tard ou maintenant, la réponse est toujours non, non et non. Ne te fâche pas, je t'en prie. J'aurais dû moins essayer. Tu ne me tranquillises pas, tu sais, mon cœur. Je préfère que tu penses à toi et refasses la même performance avec les opérations chirurgicales à l'avenir que ce que tu as réussi à faire avec tes bras et tes jambes. Tu peux me le promettre aussi. Je te promettrai n'importe quoi, darling, tu le sais bien. Oui, je ne veux qu'une promesse de toi. Je crois savoir. Je t'épouserai dès l'instant où les médecins diront que je suis tiré d'affaire. C'est mieux comme ça. J'aurais préféré avant, mais du moment que nous sommes ensemble, je me satisferai de cet accord, pour l'instant. Que dirais-tu à présent d'un petit massage? Tu ferais ça, toi? Allonge-toi et tu vas voir. Le jeune homme se retourna sur le ventre. Marina frotta un instant ses mains les unes contre les autres pour entreprendre de pétrir ses épaules, le dos et les reins de son amant. Ce fut un savant mélange de massage et de caresses. Jason grogna et finit par se retourner. Cela m'a fait un bien fou, mon âme, hélas. Une autre partie de mon anatomie est à présent en train de souffrir le martyre. Que feras-tu pour m'éviter pareil désagrément? Ah, voyons voir. Laisse-moi réfléchir à ce grave problème. Il se redressa, la prit par les épaules et effleura ses lèvres. Marina entr'ouvrit la bouche et Jason, perdant tout contrôle, l'embrassa passionnément. Mais Marina le repoussa bientôt. Elle fit prendre à sa bouche un chemin différent et entreprit de soulager les souffrances de son tendre amour. Le cri d'extase que poussa Jason retentit dans tout l'appartement. Jérémy, occupé à se servir un verre, le laissa tomber. Ramassant les morceaux rageusement, il s'entailla sérieusement la paume de la main. Il partit dans la salle de bain en jurant pour essayer d'arrêter l'hémorragie et tomba sur son frère. Oh, excuse-moi, prends ton temps, je reviendrai plus tard. Mais que t'arrive-t-il? T'es blessé? Oh, une bêtise. J'ai brisé un verre et en ramassant les morceaux. Attends, j'appelle Marina. Non, inutile. Je vais me débrouiller tout seul. Ne t'inquiète pas, cela va aller. Jérémy, que se passe-t-il? Tu as l'air bien nerveux. Pas de quoi fouetter un chat. Justement, raconte. Mais il n'y a rien du tout. Bon, je vais dans la cuisine. Quand tu auras fini, je reviendrai désinfecter ma main. Avant que ce dernier ne s'éloigne, Jason l'attrapa par un bras. Jérémy, nous avons toujours été très proches. Je veux savoir ce qui te tracasse et tout de suite. Le jeune homme s'adossa au mur et poussa un long soupir. Tu es aussi têtu que moi. Bien, tu l'auras voulu. Je t'ai entendu tout à l'heure quand tu... Oh, je vois. J'avoue ne pas avoir pensé à cela. C'est assez gênant, je le conçois. Il y a peut-être une solution. Je vais acheter une maison ou un appartement et non! Après tout, cet appartement est à tout le monde et tout le monde doit s'adapter. La prochaine fois, je mettrai un peu de musique. Voilà tout. Pour l'instant, il faut que tu restes avec nous. Tu en auras besoin. Tu sais que l'intervention de ton rein est pour dans un peu moins de 10 jours. Je ne le sais que trop bien, Jérémy. À ce propos, j'aimerais encore te demander quelque chose. Je t'écoute. S'il m'arrivait quelque chose. Jérémy avait déjà ouvert la bouche pour protester vigoureusement lorsque Jason reprit. Laisse-moi finir, mon frère. Tu sais que cela peut arriver. Donc si jamais je ne devais pas survivre, pourrais-tu veiller sur Marina? C'est une question idiote. Je pourrais certainement, mais elle ne le voudra sûrement pas, et tu le sais pertinemment. Je pourrais essayer tout de même de la convaincre. Autant essayer de convaincre une chose sûre de parler. J'aime assez ta métaphore, bien qu'elle ne soit guère appropriée. Mais cela ne t'empêchera pas de veiller sur elle à distance. Tu sais que de toute façon je le ferai, Jason. Bon, il faut que j'arrête ce sang ou je vais mourir exsangue dans cette fichue salle de bain. Marina, trouvant que Jason était bien long, partit à sa recherche et heurta de plein fouet Jérémy qui se tenait la main. Mon Dieu, Jérémy, que t'arrive-t-il? J'avais décidé de me suicider, mais Jason m'en a dissuadé. Jason, souriant, raconta la mésaventure à Marina. Je vais t'aider, dit celle-ci. Il faut désinfecter cela immédiatement et regarder attentivement si un petit éclat de verre ne reste pas dans la plaie. Bon sang, encore un docteur. Ne peut-on pas essayer de se soigner tout seul dans cette maison, sans ameuter tout le monde? Marina, étonnée par ce ton si caustique, regarda Jason. T'es rien, mon âme. Je lui avais déjà proposé mes services, mais de toute évidence, il n'est pas d'humeur. Pas d'humeur, pas d'humeur. Il n'a pas voix au chapitre. Tu t'assieds sur cette chaise et tu ne bouges pas avant que je trouve de quoi désinfecter et panser ta main. Les hommes, tous pareils. Jérémy haussa les épaules, impuissant et regardant son frère. Voilà, elle a décidé. Et tu voudrais que moi, je veille sur elle? Tu rêves, Jason, ce que femme veut. Dieu le veut, répliqua Jason amusé. Ce dernier retourna dans la salle de bain finir sa toilette. Il entendait son frère bougonner et pester contre les soins que lui prodiguait Marina. Celle-ci commença par éponger le sang, puis écartant légèrement la plaie, enleva quelques éclats de verre avec une pince à épiler. Elle était si douce que Jérémy ne sentait rien, mais la main de la jeune femme tenant fermement la sienne le mettait au supplice. Alors, pour ne pas montrer le trouble qui montait irrésistiblement en lui, il pestait et jurait comme un charretier. Elle mit la dernière main au pansement et instinctivement, comme elle l'aurait fait avec un enfant sage, par pure affection, fit sonner un gros baiser sur la joue du jeune homme, qui en resta un instant interdit. Il avala douloureusement sa salive et la remercia à peine, s'enfuit à toute vitesse dans sa chambre en continuant à maugréer. Marina retourna auprès de Jason, hilare. Ton frère est un vilain garnement. Enfin, quel fichu caractère! Il n'est pas comme cela d'habitude, mais. Il raconta à Marina ce que Jérémy lui avait confié dans la salle de bain un peu plus tôt. Marina vira à l'écarlate. Tu aurais pu me le dire tout de même. Je l'aurais laissé se débrouiller tout seul. Je suis sûre du contraire. Finalement, tu as peut-être raison. Bien, je vais prendre une douche. Et malheureusement, je dois rentrer.